France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 165. Bienvenue à toi, dans ce monde archiloufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 31 mai 2009, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es fichtrement inquiet de savoir que désormais, un dangereux terroriste se trimballe en liberté. Coupa, le mec des trains ? Bah oui, c'est le terroriste le plus dangereux du monde, juste devant vous. Quoi ? Je suis deuxième. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est si dangereux que ça, ce type ? Mais c'est un fou, c'est un gars, il a ouvert une épicerie bio en Corrèze. Et ? Ah bah c'est une couverture, obligé, le bio ça marche qu'à Paris, chez les bobos. Quoi d'autre ? Pour l'instant c'est tout. Oui, tu l'as bien compris l'ami, ce matin tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous débuterons bien sûr par notre espiègle-office sportif et freudien, durant lequel nous assisterons ce matin aux prouesses sur terre battue d'un malicieux ramasseur de balles. Dans la foulée, à l'heure où les jardins sont en fleurs, nous t'offrirons un aperçu de la richesse des mœurs de nos amis les insectes. Ensuite, nous descendrons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques ont dû affronter une pénurie de clopes à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, une prohibition que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où nous te raconterons les moments forts de cette curieuse fête des voisins qu'ont vécu Monique et Jean-Claude mardi dernier. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter, lui aussi invité, figure-toi, à une étrange réunion de voisinage. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et redoute le barouf. Café la chicorée du Nord. Comes around here just about midnight. She make me feel so. so good. I wanna say she make me feel alright. Cops walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. Then she make me feel alright. Gloria, c'était les Irlandais du groupe Them en 1964. Une chanson qui tombe à point, car pour les catholiques, c'est l'heure de chanter le Gloria in excelsis Deo. À 5h du soir, dans son bureau, la tête il s'en montait sous les bras. Quelle odeur épouvantable, elle pue, c'est effroyable. Elle n'est pas protégée contre les impuretés. Elle pue, elle aurait dû se laver dès le matin avec le savon machin, le bon savon qui contient du tiramisu ficelle. Au catofix, salut, gel. Activé. Alors, il est à présent 11h12 et à la panique au Mangin Palace, on t'imagine déjà confortablement vautré afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 165e épisode. Et, comme le veut la tradition, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, qui, cette semaine, a plutôt fréquenté les coursives vedettes de Roland-Garros, car le petit Ivan, vêtu d'un très joli short et d'une belle paire de tennis, s'est instauré ramasseur de balles et de petites phrases au tournoi de Roland-Garros. Donc, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Roland-Garros, 11 Français en lice aujourd'hui pour la première journée du tournoi. Oh, tiens, regardez qui est là. Gilles Simon. Vous connaissez ce mec-là, vous? Et Amélie Mauresmos. Je croyais que vous deviez pas venir. Puis c'est moi. Viens quand je veux. Seront notamment sur les cours. Mais c'est qui le mec là? Gilles Simon, le numéro 1 français et numéro 7 mondial, et il est en difficulté. C'est ce que je vous dis, je connais pas. Gilles Simon, il est opposé maintenant depuis 3h04 à un Américain quasiment inconnu. Il s'appelle Wayne Odesnik, il est 87e joueur mondial. Qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Un petit tour et puis s'en va. À Roland-Garros, Amélie Mauresmo a été battue d'entrée. La pauvre, elle a poussé un cri terrible. Ensuite, elle a couru. Éliminée au premier tour par l'Allemande Grand. Un échec à l'image de la journée des tennismen français hier, morne. Chez les messieurs, le numéro 1 tricolore Gilles Simon est tout de même passé, mais difficilement, en 5-7 contre l'Américain Odesnik. Y aura-t-il un jour des portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires? Épargnez-nous les détails, s'il vous plaît. Le tennis à Roland-Garros, deuxième journée avec côté français la qualification de Paul-Henri Mathieu et Arvan Rezaï, côté des dames. Le mystère s'épaissit. L'énigme se corse. Jocelyn Wana, le Guadeloupéen, est en train de tenir tête au Russe Marat Safin, hein, Fabrice Abgral. Et mieux que ça, même pour Jocelyn Wana, seulement 134e mondial, un joueur invité par les organisateurs. Il se mesure à Marat Safin, la légende ex-numéro 1 mondial. Eh ben c'est génial! Mais où tu veux en venir, nom de Dieu? Jocelyn Wana, très étonnant, un joueur très accrocheur et qui pose énormément de problèmes à Marat Safin, qui se désunit énormément, évidemment, en face. Le Guadeloupéen en profite. Comme je le disais tout à l'heure, les nouveaux visages sont rares par ici. Que diriez-vous de continuer à travailler depuis chez vous en période d'arrêt maladie ou de congé maternité? Allons, voyons, je ne sais pas de qui vous pouvez tenir cet infâme ragot. Bien, je vais poursuivre. Le tennis à Roland-Garros maintenant. Sans déconner. Fabrice Santoro et Roland-Garros, c'est fini. Le Toulonnais a joué et perdu son dernier match. Oh là là, oh putain. Merde, comment j'ai pu dire ça? Et en plus, j'ai dit merde. Fabrice Santoro a décidé, vous le savez, à 36 ans, de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il disputait cette année son 20e Roland-Garros. Ça doit être épuisant comme activité. Où il a joué son premier match en 1989, alors qu'il n'avait que 16 ans. Vous attachez pas trop au côté commercial, c'est le plan psychologique qui est intéressant. C'est le plan psychologique qui est intéressant. Mais il ne faudrait pas, en politique,

Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. La vida tombola. C'est Manu Chao qui souligne que la vie est une grande tombola. Mais bon, le jeu n'est pas le même pour tout le monde. En matière de politique sociale, les pouvoirs publics disent il faut s'entendre pour se mettre d'accord. Le patronat de droit divin dit non. Le jeune patronat dit oui. Le contrat social des conventions collectives dit il faut voir pour se rendre compte. Les centrales syndicales disent c'est tout vu, les comptes sont rendus. Et la classe ouvrière dit merde. Alors maintenant, après avoir découvert cette étonnante sexualité au pays des mandibules qui pullulent, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h27 sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache que depuis 1988, l'Organisation mondiale de la santé a choisi la date du 31 mai pour mettre l'accent sur les dangers du tabagisme. À ce propos, l'OMS estime que dans 10 ans, la clope sera la principale cause de mortalité dans le monde, avec plus de 10 millions de morts par an. C'est énorme. Plus que les victimes d'accidents de bagnole, du sida, des homicides et des suicides réunis. Évidemment, cette effrayante perspective n'a pas laissé insensibles les autorités des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA qui ont immédiatement décidé, mercredi dernier, de confisquer les clopes de nos joyeux fantômes radiophoniques. Ainsi, auscultons les réactions de cette privation de goudron et de nicotine dont fut également victime notre pauvre Bernard Lhermitte planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était en galère. Mercredi soir, suite à un malencontreux concours de circonstances, plus personne n'avait de cigarettes. Et quand il a fallu en acheter, nous avons été confrontés à une véritable pénurie de tabac. À la manufacture des tabacs, grève du zèle, les contrôleurs contrôlent, c'est leur métier, les feuilles de tabac une par une. Tu as du tabac ? Non, je regrette. Derrière toi, ce ne sont pas des boîtes de tabac ? Si. Mais elles sont toutes vides. Elles ne contiennent pas de tabac. Et peu à peu, l'état de manque s'est emparé de nous. Le tabac distrait, le tabac console, le tabac satisfait, le tabac sature, le tabac aveugle, le tabac saoule, le tabac guérit, le tabac tue. Alors, nous avons cherché les responsables, ceux qui avaient fumé toutes nos réserves. Monsieur Vergos, combien de cigarettes les Français ont-ils fumé en 1948 ? En 1948, les Français ont fumé 1 350 000 millions de paquets de cigarettes, de paquets de 20 cigarettes, et de paquets de tabac. De paquets de tabac, 670 millions de paquets de tabac. les jeunes ont perdu l'habitude de faire eux-mêmes leurs cigarettes et préfèrent fumer des cigarettes toutes faites. Et puis, on est allé faire un tour du côté des yéyés. Ce qu'il y a, c'est que dans les années 1960, se développe de manière considérable la publicité en faveur des cigarettes, notamment pour les cigarettes américaines. Et j'ai en tête une publicité, justement, que j'ai trouvée dans une revue pour jeunes qui s'appelait « Salut les copains », extrêmement célèbre, évidemment. Oui. Cette publicité disait « Nous les garçons, nous les filles, nous aimons les jeans, les westerns et la cigarette de la détente ». C'est magnifique parce que ça résume très bien justement cette culture jeune qui se constitue à ce moment-là et qui se constitue autour, en particulier, de la cigarette. On était désespérés quand un marchand ambulant est passé. On lui a acheté plein de cigarettes et il nous a raconté les nouvelles du monde extérieur. Fernand Lotte, l'Organisation mondiale de la santé a déposé des conclusions qui risquent de faire l'effet d'une bombe étant donné l'histoire de la liaison cancer et tabac. Eh bien, j'en suis fort chagriné pour les fumeurs, mes frères, les experts de 7 pays qui avaient été chargés par l'Organisation mondiale de la santé d'une étude approfondie sur l'étiologie du cancer du poumon viennent de déposer leurs conclusions. Et selon ce rapport, la cause de ce mal est hélas la cigarette. Alors, outre la question du cancer du poumon, il y a aussi la question des troubles cardiovasculaires, oui, qui sont également très graves. Bah oui, mais vous ne croyez pas, mon cher Lotte, qu'il vaut bien mieux ne pas savoir tout cela? Eh bien, écoutez, ça c'est une autre question, je ne vous répondrai pas. Alors là, on savait plus quoi faire. Du coup, on a rallumé une cigarette pour y réfléchir. Mais socialement, il m'arrive plein de trucs, moi, depuis que j'ai commencé la cigarette. Je sais pas, je me balade des fois dans la rue, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie. Elle ou lui ne m'a jamais vu de sa vie. Je vais vers cette personne, direct, cash, je lui dis, excusez-moi, vous avez du feu? Et tout de suite, il y a un contact qui... D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu. Le malaise qu'il y a dans cette réponse, la souffrance. Désolé, je ne fume pas. Ils sont désolés. Ils sont désolés de ne pas fumer. Mais jusqu'à quand vous allez être désolés, les gars, là? À un moment donné, il faut s'y mettre, non? Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque où, une fois encore, vous n'avez pas mégoté au cœur de l'inattendu. Et, Sandri Égard, rejoignons dès à présent les volutes sonores de notre petit village fleuri, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, retrouvons immédiatement nos deux gros boulets, Jean-Claude l'adjacent et Monique la contiguë, qui ont célébré la fête des voisins mardi dernier chez monsieur et madame Baudard, qui avaient décidé de réunir chez eux tous les habitants du quartier. Cela dit, Rémi, le môme de Monique et Jean-Claude, n'était pas persuadé que ce fût une bonne idée, malgré le réel désir de sa mère de s'y pointer. C'est la fête annuelle du quartier et on aimerait bien y aller. Attends, tu veux y aller? Je rêve ou à part moi, personne voit rien? Tous nos voisins nous détestent, à tel point qu'ils font une super fête quand on se barre en vacances. Ne me dis pas que ça te surprend. Moi, ce qui m'étonne, c'est leur sens de l'organisation. Et ça te fait rien que tout le monde nous méprise? Mais non, ces gens ont besoin d'un bouc émissaire. Nous haïr leur donne le sentiment de former une communauté. Ta mère a raison, fiston. Le meilleur lien social, c'est l'ennemi commun. Sans nous, ils se ligueraient sûrement contre quelqu'un d'autre. Un membre d'une minorité. Tu ne vas pas passer toute ta vie à te préoccuper de savoir ce qu'on pense de toi. On s'aime, on se déteste, on s'adore, chacun pense ce qu'il veut, puis après ça, on meurt. Tu dis ça pour me remonter le moral? Pourquoi je devrais te remonter le moral? Tu es en pleine adolescence et il y a une fête juste devant la porte. Alors, tu restes ici à te morfondre si tu veux, ton père et moi, on va s'amuser. Oui. Rien à cirer les commérages. C'est la fête des voisins et Monique a bien l'intention de passer un bon moment, même si le quartier tout entier les déteste. Cela dit, in petto, Jean-Claude espère tout de même croiser Frédéric et Sophie, ce jeune couple dynamique qu'il trouve si sympathique. Et surtout, cette nouvelle voisine, dont il ignore presque tout, mais dont les charmes sont loin de le laisser insensible. Enfin bon, une fois sur place, l'ambiance est plutôt détendue et Monique se propose même de filer un coup de main à madame Baudard. Attends, tu veux que je te donne un coup de main? Bah écoute, pour dire la vérité, oui, je veux bien. En général, c'est pas du tout mon genre, j'ai horreur de ça, mais là, je suis tellement débordée, tout d'un coup on savait plus, on se faisait du souci, on finissait par se demander si vous alliez venir. Alors, évidemment, Pour tuer le temps, on a grignoté. J'avais acheté un énorme sac de pistaches. Je suis folle des pistaches, moi. Je pourrais en manger des kilos. Pardon. Ah, et Jacques qui nous fait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez me couper l'appétit. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. Ah, c'est le scorpion tout craché. Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Ouh, mais c'est le pire des signes. Moi, je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. C'est un signe épouvantable. Hein. Moi, je sais par exemple que je m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu étais quoi, toi, déjà? Scorpion. Oh là là, mais oui, c'est vrai, oui. Mais attention, attention, quel ascendant? Scorpion, enfin, je crois. Ah, et ben voilà, tu m'as fait peur, ça s'annule. Enfin, bon, je sais pas exactement, de toute manière, j'y connais pas grand-chose, hein, mais j'y crois beaucoup. Ah bon? Moi, pas du tout. Certes, en cuisine, l'harmonie entre voisines vient de prendre du plomb dans l'aile, mais au salon, tout va pour le mieux. Jean-Claude sirote paisiblement son petit jaune bien tassé, en compagnie de ce jeune couple dynamique, Sophie et Frédéric, avec qui Jean-Claude évoque justement quelques petits soucis de voisinage. Avant, vous faisiez l'amour tous les soirs à 22h30. Vous étiez réglé comme du papier à musique, des vrais petits lapins. Et depuis quelque temps, plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Le désir. Il est là, Frédéric? Oui. Si on en parlait. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'un couple. D'accord? Mais ce qu'il faut, Frédéric, c'est dédramatiser. Parce que si tu as peur, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus difficile de remonter la pente. Parce que c'est un cercle vicieux, c'est terrible, mais... Je sais, c'est vrai. Le problème, c'est qu'elle me parle tout le temps de son amour. C'est vrai, ça? Je l'aime de plus en plus. Ah oui, et tu lui as dit, sans imaginer les ravages que ça allait occasionner. Ça m'a échappé. Ah oui, mais Sophie, plus de déclarations d'amour. D'accord? On s'accroche. Ouais. Merci. Tout ce que je veux, c'est vous entendre tous les soirs. À 22h30 précise, hurler comme des bêtes. Oui, Jean-Claude est toujours disposé à rendre service à ses voisins. Quand soudain, au moment d'engloutir une tartine de terrine de saumon, Jean-Claude aperçoit cette jeune femme sublime qui s'est installée dans le quartier il y a quelques mois. Au passage, les charmes de cette donzelle ne manquent pas d'attirer l'attention des autres mâles en présence, mais aussi de leurs épouses, tout comme Monique et Madame Baudard, de retour au salon, est très impressionnée par la plastique de leur nouvelle voisine. Tu crois qu'elle se fait vomir? Je sais pas, mais l'ego est grave. Hein. Côté glamour, il va falloir que j'assure un peu plus. Hein. Je me suis trop laissée aller, là. Un petit peu. Je vais aussi me donner l'adresse de ton médecin. Lequel? Celui qui te fait mâcher du concombre et de la salade. Mon talonbert, mais bien sûr. Mais je te préviens, ça coûte bonbon. Hein. Surtout les piqûres aux extraits d'artichaut dans les fesses. Mais comme tu manges plus rien, tu t'y retrouves. N'empêche que ce soir, Monique s'empiffre de noix de cajou et de toast au tarama, sans doute pour compenser le stress de son régime hypocalorique avant l'été. De son côté, bien sûr, Jean-Claude tente d'approcher cette jeune femme que tous les mecs du quartier ne quittent plus des yeux désormais. Mais pour l'instant, c'est avec le voisin bibliothécaire que la jeune voisine discute et ce vieux célibataire érudit lui fait remarquer qu'au cours d'une soirée comme celle-ci, curieusement, certains mots réapparaissent plusieurs fois. Vous l'avez entendu comme moi, le mot hypochondriaque vient d'être prononcé à 4 reprises. Ce mot pose à intervalles répétés des problèmes épineux aux spécialistes. Certains pensent qu'il désigne un homme hanté par la peur de la maladie, d'autres un château hanté par la sœur de Milady. C'est cette deuxième version qui est la plus vraisemblable. On a en effet retrouvé l'an dernier dans la petite ville d'Hypochondriac, sur les bords du Nil, les ruines d'un château assez ancien et des morceaux de drap anglais. Mais alors, dites donc, qu'est-ce qu'il a fallu gratter la terre? Qu'est-ce qu'il a fallu se casser les ongles et se donner des tours de rein pour déterrer ce bazar sous 40 mètres de sable? Ça a rendu tout le monde un petit peu malade, et même les archéologues qui n'étaient pas vraiment malades avaient la trouille de le devenir à leur tour. Avec quelques amis, on s'est rendu sur place et on s'est copieusement moqué d'eux. La donzelle semble subjuguée par l'esprit savant de ce voisin bibliothécaire, au grand désespoir du Jean-Claude qui ne parvient toujours pas à adresser la parole à cette sublime voisine. Du coup, excédé par l'omniscience de cet intello binoclard, Jean-Claude file en cuisine quelques instants où il rejoint Monsieur Baudard, avec qui, bien entendu, il ne peut s'empêcher d'évoquer cette magnifique voisine. Entre parenthèses, quel morceau cette Marilyn, hein. Non mais tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Ah non, elle est extrêmement bien faite. Elle a un énorme capital. Oui, d'ailleurs, on dirait qu'elle a bien compris. Hein. Elle investit absolument tout là-dessus. Oui, mais à sa place, j'investirais aussi. Hein. Oh, quel cul! Ah, beau cul, beau cul. Mais ramenez-vous, les gars, il est en train de les partouser, là, toutes les trois. Là. Comment ça, partouser? Ah bon, il... Non, non, non, c'est des conneries. Bon, enfin, il est très en verve, comme on dit. Hein. C'est de la haute voltige. D'ailleurs, c'est bien simple, les femmes sont complètement sous le charme. Hein. Mais les hommes aussi. Assurément, l'érudition du bibliothécaire semble maintenant charmer l'ensemble des habitants du quartier lors de cette fête des voisins. D'ailleurs, la soirée s'achève paisiblement autour des incroyables récits de ce type fascinant. Puis, à 23h30, heureux de ce moment passé ensemble, chacun s'apprête à regagner ses pénates. Cela dit, juste avant de quitter cette sympathique demeure, à bout de nerfs, Jean-Claude se lance et aborde sa jeune voisine tout en lui proposant de l'aider à enfiler son impair mi-saison. Résultat, c'est surtout Jean-Claude qui a commis un impair. Bonjour. Ça fait un an que je vis à côté de toi. Je t'entends rire, danser, chanter, pleurer, prendre ta douche aussi. Et depuis un an, j'ai envie de te connaître. Je sens une grande solitude en toi. J'ai envie de t'aimer. C'est moi qui t'ai envoyé toutes ces lettres. Tu n'as jamais répondu. Ah oui, et puis c'est moi qui gratte à ta porte toutes les nuits. Hé, hey, mon con, la charmante voisine, c'est moi. Alors deux choses, t'arrêtes de m'envoyer tes lettres de PD et t'arrêtes de gratter à ma porte la nuit, parce que la prochaine fois, je te latte la gueule. Alors maintenant, toujours en direct du Mange un Palace, à 11h42, après nous être plongés dans le voisinage et le marivaudage de Jean-Claude et de Monique, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, justement consacré ce matin à la fête des voisins. Et pour aborder cet événement majeur de la vie de Palier et de Perron, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, a rendu visite, un bouquet de fleurs dans une main et une bouteille de vin dans l'autre, au collectif Sauvons les riches. Et oui, parce que ces malicieux agitateurs, au sens noble du terme, proposent, à l'instar du salaire minimum, un salaire maximum de 45 000 euros par mois. Et c'est à la Villa Montmorency, un quartier chaud et douillé du 16e arrondissement de Paris, que les coquins de Sauvons les riches ont voulu fêter les voisins à leur manière. Ainsi, juste après la virgule, découvrons cette petite sauterie avec musique, pétanque, sandwiches et ballons. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? On va aller faire la fête des voisins à Villa Montmorency. Donc on va d'abord commencer à faire la fête et on va essayer d'entrer dans la villa pour jouer à la pétanque. On a de la musique, on a des sandwichs, on a de quoi faire la fête, des ballons. Nos amis qui pourront venir s'ils veulent. Notre but, en fait, c'est pas totalement ironique, sauver des riches, c'est de dire que si on réussit à faire ce plafonnement à 30 fois le SMIC, ils vont perdre de l'argent, c'est vrai. Il faut les habituer à vivre autrement, à vivre comme on fait tous au Bristol, c'était ça le message. Si on peut vivre sans dépenser 95 euros de repas par jour, si le repas, on peut s'amuser tous ensemble. Voilà, on veut vraiment les sauver, montrer qu'un autre monde est possible. Vous avez de la chance. Parce que nous, on se fait chier. Pourtant, vous avez une bien jolie maison. Vide. Sans âme. Un piano sans musique, des toiles abstraites qui glacent le sang. Et tout ça, pour quel bonheur. Eh oui, c'est le 10e anniversaire de la fête des voisins. Le collectif Sauvons les riches veut prendre d'assaut un quartier privé de Paris. Comme si nous n'avions pas le droit de vivre entre gens de bonne compagnie, loin des pauvres. Pour rentrer, ça va être difficile parce qu'il y a au moins une vingtaine de policiers devant et il y en a deux pattes doubles en civil. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de policiers qu'il y a ici, vous n'irez pas embêter Carla et Nico qui habitent juste à côté. Allez, et que ça vous serve de leçon. On pensait qu'ils allaient succomber justement à la convivialité. Et pour leur imposer un revenu maximal européen qui représente 30 fois le revenu médian, c'est-à-dire 45 000 euros par mois, c'est pas Lénine qui revient au pouvoir, ça va. Avec 45 000 euros, on peut encore avoir un chauffeur, je rassure tout le monde. Pourquoi l'a-t-on mis à la Bastille? Il a dit, les pauvres sont des gens bien. Pouilly fuissé! Les pauvres sont des gens bien! Il a de la chance d'être encore en vie. Oh, s'il vous plaît, votre majesté, ne le laissez pas mourir. Si vous me le rendez, je ferai n'importe quoi, je vous le jure. Libéré, Vincent Bolloré. Libéré, Vincent Bolloré. Libéré, Vincent Bolloré. Qui ils ont protégé, à votre avis? Ah ben j'ai une petite idée, je pense qu'ils ont protégé Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère. Il y a des gens plus importants que Vincent Bolloré qui habitent près du... Carla Bruni? Ouais, par exemple. Ouais, mais Carla Bruni, elle a jamais offert un séjour en yacht à son mari. Donc, mais son mari habite souvent chez Carla. Quand effectivement, même. Non, je pense qu'effectivement il y a une conjonction des deux personnalités qui a pu faire en sorte qu'on appelle la police pour empêcher une fête des voisins de se faire devant une grille, hein, ce qui n'était pas très... C'était pas dans son salon non plus, quoi. C'était juste devant une grille. Donc oui, il y a des gens qui sont bien protégés dans ce pays. Je pense que tout le monde n'est pas aussi bien protégé. Et j'ai l'impression qu'on protège surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est marrant. Si tous les riches du monde se donnaient la main, nous serions sûrs d'être les plus riches demain. Sauvons les riches, ceux de chez nous. Et même ceux qu'on connaît pas, ils sont riches et on le sait pas. Sauvons les riches. Et leur caniche. L'argent, c'est de l'amour. L'amour, c'est rare. Vous avez réussi à faire passer votre message ou pas? Ben, j'espère. En fait, le message, c'est que voilà, il y a quand même des quartiers entiers qui sont privatisés au sein de Paris, privatisés par les plus riches qui font sécession. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Par exemple, ici, où il y a seulement 2% de logements sociaux dans le 16e, ces messieurs, dames, les riches ont fait une pétition signée par 4000 personnes pour s'opposer à la construction uniquement d'un bâtiment de HLM. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Des histoires de fric, mais aussi de flics. Ça va bien ensemble, puisque les fêtards du collectif Sauvons les Riches ont dû renoncer à faire la fiesta avec leurs voisins de la villa Montmorency tout près d'ici face à la présence policière. Et c'est dommage, parce qu'à Radio France justement, on a tout plein de voisins, de véritables amis toujours disponibles. Bonjour, j'ai un évier bouché dans ma salle de bain. Un évier bouché? C'est sur le dernier Benabar, la chanson 4 je crois. Merci. En ce moment chez moi c'est pas le pied, j'ai un évier qui est bouché, il faut que je dévisse le siphon avec une pince adaptée, mais sans perdre le petit joint, c'est important le petit joint d'étanchéité. Bonjour, la recette du crumble pomme framboise, c'est sur quel album de Vincent Delerme? Le premier, là-bas. Merci. Prenez 250 grammes de beurre, 4 belles pommes et puis du sucre. Il me faudrait les horaires de train pour Nemours. Au rayon DVD, le concert de Grand Corps Malade. On a tous envie de partir un jour pour un grand trip vers l'inconnu. Moi, un jour, je suis parti de la gare de Lyon. Je suis allé jusqu'à Nemours. J'avais pris le TER de 8h40 sur le quai 3. Il y en a un aussi à 12h15, mais il n'est pas direct. Il faut changer à Brunoir. Je cherche le dernier Renan Luce. C'est pour un problème de cardan sur une Laguna. Je sais pas ce qu'a lieu la Marie. Moi non plus. Depuis qu'elle est montée à Paris, Emmanuel, elle veut qu'on l'appelle. C'est une question de sexe-appel. Je peux même plus lui parler d'amour. Elle me dit que ça vaut pas Gainsbourg. Et v'là-t-y pas qu'elle me taquine. En me susurrant, je vais te faire birkin. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Sois érotique, sois érotique. Quel dit. Et si tu ne me fais pas de blague, ce sera mieux qu'à Copenhague. Elle ne paye plus son abonnement à la revue La Vie aux gens. Moi non plus. Maintenant, les trucs qu'elle bouquine, c'est rien que du sexe magazine. Sous des prétextes diététiques, elle fait de la cuisine exotique. Et elle me demande après manger si rien en moi n'aurait changé. Sois érotique, quelle dit. Sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Sois érotique, soit érotique. Quelle dit. Et si tu ne me fais pas de blague, ce sera mieux qu'à Copenhague. Avec ça, y a pas plus têtu. J'ai beau lui dire que c'est sans issue, mais se colle à moi en babidole en me disant ton père est ma folle. Mais ça va être sa fête à sœur. Hier j'ai été chez le docteur et je vais prendre un médicament qui va la laisser sur les dents. Sois érotique, sois érotique, qu'elle dit. Viens m'aimer avec tes sabots et ton vélo. Viens m'aimer avec ton râteau et ta moto. Sois érotique. Sois érotique, c'est ce que conseillent les charlots aux futurs malades qui ont failli devoir bosser de chez eux grâce au télétravail. Parce que les patrons en exigent toujours plus, malade ou pas. Tu pourrais peut-être t'habiller de temps en temps dans la journée. C'est pas bon pour le moral de rester en pyjama du matin au soir. Je suis malade. Un malade, ça reste en pyjama. Il y a des malades qui se rasent, il y a des malades qui se lavent. Eh ben moi, je suis un malade qui pue. Voilà. Ça sert à quoi que je me lave? Pour plaire à qui? Je suis tout seul. Au moins, ma puanteur me tient compagnie. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, bien sûr, le Manchin Palace dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Oh, cette semaine, j'ai été frappé de stupeur. La presse est envahie par les morts-vivants sortis de leur dernière demeure. Ça fait peur. Tout d'abord, le magazine littéraire du mois de mai consacre un dossier à Stefan Zweig, mort en 1942, mais dont la pensée demeure bien vivante. À une semaine des élections européennes, il y a des élections européennes dans une semaine, le mensuel nous effraie avec ce titre alarmant. Stefan Zweig, l'écrivain face au chaos, exclusif, son testament pour l'Europe. Alors, l'exclusif, ce sont des extraits d'une conférence inédite en français, prononcée par Stefan Zweig à Florence en 1932, intitulée « La pensée européenne dans son développement historique ». Zweig propose une réflexion lumineuse qui s'appuie sur le mythe de la tour de Babel. Vous vous souvenez, dans la Bible, sans même connaître Jean Nouvel, les hommes construisent une tour magnifique pour atteindre le ciel. Mais Dieu, véritable petite teigne, jaloux, décide d'empêcher l'achèvement de la tour de Babel et multiplie les langues pour que les hommes ne puissent plus se comprendre. Oui. Dieu a fait la même chose d'ailleurs avec la gauche française. Alors, Zweig voit dans le mythe de la tour de Babel le symbole que tout est possible pour l'humanité quand elle est unie et que la division conduit à la catastrophe. Alors, Zweig, d'ailleurs, encense les grands moments de l'histoire où les hommes se rapprochent, comme par exemple à la Renaissance. Zweig explique qu'alors, je cite, « Si une comédie disparue de Terence est retrouvée dans un coin caché de l'Italie, c'est un cri de joie en Angleterre, comme en Pologne et en Espagne. » Et pardon Philippe, j'entends une remarque de Benoît, un auditeur, Benoît de Poitiers, qui vient de dire à côté de son transistor qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Sans harmonie sociale, maintenant, c'est un cri de joie pour le patronat quand on trouve dans un coin de l'Europe un bassin de main-d'œuvre bon marché à exploiter. Bon, Benoît, calmez-vous, parce que justement, contre l'exploitation, c'est aussi le retour des morts-vivants. Oh. Le quotidien allemand Der Spiegel nous apprenait vendredi dernier qu'est réapparue Rosa Luxembourg. Oh. Le corps de la révolutionnaire allemande qui fut assassinée et jetée dans un canal lors de la révolution spartakiste à Berlin en 1919 vient d'être retrouvé dans une pièce souterraine de l'Institut médico-légal de l'hôpital de Berlin. On dirait du Romero. Oui, c'est incroyable comme histoire. Le cadavre est gris et dur comme du bois. Il n'a ni tête, ni pieds, ni mains. Mais plein d'indices laissent à penser que c'est le retour d'outre-tombe de Rosa Luxembourg. Ah, le grand capital frissonne. Moi aussi, ça me fait peur, tous ces corps qu'on découvre. Et justement, tes corps exhumés, il y en a plein dans le magazine qui va bientôt devenir la bible des professeurs, des chefs d'établissement, des conseillers principaux d'éducation et bien entendu des assistants d'éducation, les surveillants quoi. La Gazette au diapason de la politique gouvernementale en matière d'éducation nationale, c'est évidemment Archéologia, le magazine des fouilles. Oui, les fouilles sont à l'honneur. Ainsi, au Mans, dans la Sarthe, chez Monsieur Fillon, on a fouillé et on a découvert des traces terribles d'ultra-violence dans des fosses communes datant de la Révolution, avec des marques de coups portées à l'arme blanche. Et une remarque d'Henriette, évidemment Henriette Dumont, qui vient de s'exclamer « Mais pourquoi ne pas avoir utilisé de détecteurs de métaux à la Révolution ?» Ben, vous avez raison Henriette, c'est le type de réforme applicable qu'aurait proposé notre gouvernement. Alors Philippe, justement, cette semaine, un hebdomadaire met en avant l'ultra-violence de nos contemporains avec, à sa une, ce titre terrible et dans l'excès, « La Courneuve, la cité des armes et de la peur ». L'article précise qu'à La Courneuve, ce sont les murs de la haine. Bon, c'est évidemment le toujours très alarmiste nouveau détective qui se permet, comme d'habitude, d'exagérer le moindre fait divers et qui... Pardon, excusez-moi Philippe, j'entends une remarque de Régis, de Paris, qui me fait remarquer que je fais une erreur. C'est pas l'inquiétant nouveau détective qui flatte les instincts sécuritaires, mais Paris Match. Mais oui, effectivement, excusez-moi, c'est Paris Match qui nous présente La Courneuve comme l'enfer sur Terre. Un dossier qui fait très très peur et bon, qui tombe sans doute là par hasard, hein, avec des photos d'armes de guerre terrifiantes. Et décidément, une remarque de Christian maintenant de La Courneuve qui nous dit que Paris Match oublie de parler de la violence sociale et que c'est dangereux de jouer avec la peur avant les élections. Oh ben non, Christian, non, faut pas prêter des intentions comme ça sans preuve à Paris Match. C'est pas le genre. Ben non, c'est pas du tout le genre. Puis ils ont raison, il y a des armes à La Courneuve, ils ont tiré sur des policiers. Bon, voilà. Bon, puis Paris Match est bon enfant, hein, quand on regarde bien. Après nous avoir foutu les jetons, c'est détente à la page 136 avec une gentille recette que nous offre Guillaume Gomez, le chef cuisinier de l'Élysée, qui propose une tarte fine aux pêches et aux pralines. Voilà, à quand le clafoutis aux pruneaux et la quiche aux bastos? Bon, Philippe, le programme est clair. C'est tarte et praline pour tout le monde. Fini les fouilles préventives. Nous sommes maintenant au temps de la fouille répressive. Merci, monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 165e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Rémi Quincé et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac, notre stagiaire qui nous quitte aujourd'hui et à qui nous souhaitons une très belle route. Pour les Scud et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefaillard pour toutes ses idées complémentaires ainsi qu'au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour le ministère psychique et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.